Bonjour, je tourne cette vidéo-là suite à d'autres. Je vais possiblement là, mettre ça en ligne lundi matin. On me parle là, combien il y a de corps subtils, de la hiérarchie. Bon. Donc, je suis allé jeter un coup d'œil. Moi, je ne suis pas un ésotériste. Même là, si on peut dire, là, je suis plus lié à des choses qu'on pourrait dire là, relativement nouvelles. Donc, je ne suis pas un ésotériste. Il y a beaucoup de choses que j'apporte que c'est pas de l'ésotérisme au sens d'une tradition là, que certains appellent primordiale. Ce qui, justement, là, risque de me classer, ces gens-là qui ont une vision très polarisée, ils vont me considérer comme, je risque d'être classé là, comme quelqu'un de mauvais. Mais ça, entre vous et moi, là, c'est leur subjectivité à eux, puis ça ne me dérange pas, ils peuvent me classer où ils veulent. Mais là, ce qui arrive, c'est que on me pose des questions qui sont ésotériques, comme combien il y a de corps, combien il y a de corps subtils. Donc, je suis allé voir ce que les ésotéristes en disent. Et habituellement, par rapport à des choses comme ça, j'avais regardé l'information. Et ensuite aller vérifier intérieurement. Là. Ils classent le corps éthérique là, comme le premier. Là. Ils mettent le corps astral ensuite, comme quoi que le corps astral serait supérieur en fréquence. Alors que pour moi, Et puis, ça va des fois, ça va jusqu'à 12. J'ai vu un système, là, ça va jusqu'à 12 corps. Alors qu'il y a un dégradé de d'autres, là, si on peut dire. Donc, je regardais ça. Et je vois, là, j'ai pas le choix, là, de dire que selon la vision que j'ai de ces choses-là, et au niveau aussi d'une expérience, là, qui est personnelle, que j'ai pas à entrer là-dedans, mais à mes yeux, là, j'arrive, là, à un problème. Je peux pas m'inscrire dans une tradition comme ça. Je ne peux pas m'inscrire dans une tradition comme ça, qui considère le corps magnétique, le corps vital, si vous voulez, comme le corps éthérique. Il y a quelque chose là que je me dis, c'est à l'envers. Je regarde ça, je me dis, comment ça, c'est à l'envers? Et puis là, à un moment donné, si la tradition primordiale qu'on a était. Bon, on n'aurait pas certains problèmes qu'on a là, à certains niveaux. Comme si vous regardez là, ce qu'il y a en Californie, les mouvements qui viennent de Californie et de d'autres endroits, puis ce qu'on a appelé le Nouvel Âge, qui aboutit à des choses aberrantes, souvent, au fond, va être basé sur des traditions comme ça. Et puis c'est pour ça là, que je suis allé répondre que c'était pas important de le systématiser ou d'intellectualiser ça dans un système à ce niveau-là. Ce n'est pas important, là. Mais il reste que de voir ça, là, que eux, ils vont, comme d'habitude, ils vont classer le corps éthérique. Ils classent le corps éthérique comme ce qu'il y a de plus bas en émanation. Puis là, ils finissent là, avec le corps bouddhique ou christique. Et puis là, on n'est pas dans des choses. C'est des doctrines, là. On est dans du dogmatique. À un niveau que c'est pas surprenant que si peu de gens aient pu. En tout cas, j'ai pas moi à m'inscrire contre quoi que ce soit, à faire une critique ou une apologie de quoi que ce soit à ce niveau-là. Puis j'ai pas non plus à entrer en guerre là, contre des ésotéristes. Mais moi, les ésotéristes. Les ésotéristes et les occultistes, ils vivent dans leur monde à eux autres. Dans leur monde à eux autres. Puis, au niveau de ce que je vous dis, ce qui est important, c'est le côté pragmatique, l'application dans le réel. Et puis, si ces gens-là voient ça comme ça, que le corps magnétique, au fond, le corps vital qui a été étudié, là, pourtant, là, par des gens, même des scientifiques, là, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui ont étudié empiriquement. Même si au fond ces choses-là, même si c'est archivé que les expériences pourraient être reproduites, on ne touche pas à ça. Le monde ne veut pas retoucher à ça. Mais il reste que la tradition qu'on dit primordiale, elle a dû se déformer, ça se peut pas, là. C'est qu'on en arrive à des choses aussi. Parce que moi, je vous dis, je regardais ça, je me dis que c'est quoi, c'est. Ça se peut pas. Comment ça se fait qu'ils classent ça comme ça? Puis là, c'est là que je sens, là, ça me met en vibration, si on peut dire, au sens où je deviens, là, qu'est-ce que c'est ça? Puis je comprends aussi pourquoi, à une certaine époque, je me suis détaché de certains types d'enseignements, parce que j'entrais tout le temps en conflit, là. Il y avait un changement au niveau de ma perception, puis je serais tout le temps en conflit avec ces gens-là. Puis j'ai pas à entretenir de conflit là avec des gens qui pensent encore que mais le corps magnétique, le corps vital, c'est pas le pire, c'est pas le corps éthérique là. L'éther, c'est l'éther, ça peut pas engendrer quelque chose qui est purement, même si c'est tout lié. Et puis c'est pour ça que j'ai dit ben là. C'est pas important là, de l'intellectualiser, c'est pas important de systématiser ça. Parce qu'au fond, je veux pas entrer en conflit avec des traditions que, quand je regarde ça, peut-être ça appartient là, justement à ce qui finit là. Donc, je n'ai pas là, à contester ça, je risque de me créer des problèmes, puis de me fabriquer des ennemis, puis des détracteurs. Je risque de me fabriquer des détracteurs, même si la tradition primordiale a dit de ne pas entrer en conflit, de ne pas entrer dans des débats comme ça. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps qui vont. Là, ça ne donne rien de me choquer, mais il y a des choses que où ça me rend plus. Ça m'intensifie à un moment donné. Et puis des gens que ça fait 6 000 ans qu'ils remâchent le même stock, et puis qu'on a beau leur dire, ben là, il serait temps d'avaler ça, de digérer ça, puis de manger d'autres choses au sens de que c'est pas en. Voyons, on n'est pas des. C'est rendu des ruminants de l'esprit, là. Là, c'est sûr, j'ai l'air un peu choqué, mais je ne le suis pas tant que ça, c'est juste qu'à un moment donné. Donc, c'est ça que j'avais à dire sur ça. Je commencerai pas à ressortir des vieux systèmes. Qui archivent, puis là, ça c'est les émanations des archives akashiques, non, non, je peux pas, ça va, puis je risque aussi de perdre là-dedans au sens où ce qui m'énergise, puis ce qui fait que je trouve du nouveau, puis que ça avance mes affaires, ça va me couper là avec ça. Il n'est pas question que je tombe dans du vieux remonchage depuis là. Ça peut avoir l'air encore arrogant. Ça peut avoir l'air encore même irrespectueux, mais ce n'est pas le cas. Je vous allez là, dans justement, là, ceux qui mangent du vieux stock. Regardez-les à la vitesse où ils vieillissent. Regardez-les comment ils ont peu d'énergie au fond. J'en vois là, des gens là, j'en ai connu là, que. Sont dans ces traditions-là, puis ils ont de la misère à se mettre un pied un avant de l'autre. Ils ont 30 ans, puis ils en paraissent 40. Je considère qu'il y a un certain lien là-dedans avec le fait de ne pas remâcher du vieux stock. Et si l'esprit est un véhicule, ben plus ça va vite, plus vous allez vite dans votre véhicule, plus les effets du temps à l'extérieur ralentissent. Si on peut dire au niveau qu'il va avoir, ça va être différé. Ceux qui s'intéressent là à Einstein et à ce qui est latent, puis je vois pas pourquoi j'en rajouterais là. Je pense que c'est assez clair. Le supramental, ce n'est pas de l'ésotérisme. Ce n'est pas de l'ésotérisme. Et puis la tradition primordiale, puis ces affaires-là. Puis le pire, c'est que ça en fait partie de la tradition primordiale. Mais quand je le regarde intérieurement, ça me dit qu'il y a du réel dedans, donc j'en parle. Mais ça veut pas dire que j'adhère à ces formes-là d'une façon totale. Moi, je laisse tout le temps, je mets des choses entre parenthèses, je laisse tout le temps, n'est-ce pas? Je ne suis pas dans l'assertion à ce niveau-là. Je parle, ça parle, puis souvent je dis, il va sortir quelque chose, puis j'ai pas de croyance en ce que je dis. Ce qui est dit, il dit, puis c'est dit, et puis c'est tout, puis vous en faites ce que vous voulez. Mais de là à hiérarchie, à retomber dans des systèmes qui ont maintenu l'être humain pendant des millénaires dans un monde semi-onirique, elle va être fascinée par des formes qui sont au fond comme des images qui viennent du rêve. Non. Moi, je peux pas. C'est là, j'arrive, c'est pas une incapacité. Au fond, c'est une question de pas aller se mettre les pieds dans des vieux trous. Des vieux trous, qu'il y a plein de vieux pieds morts dedans, puis quand je vois ça, puis que je sens l'odeur de morceaux de cadavre dedans, je me mettrai pas le pied là-dedans. Non, là, je suis pas choqué, là. C'est juste qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui. Bon, puis ça peut. Je peux devenir plus intense dans mon propos. Donc, puis. Tout est à prendre à la légère, n'avez-vous troublé de rien, et ainsi de suite, comme j'ai dit auparavant. Donc, bonjour. Puis, merci, là, quand même, de votre intérêt. Je ne suis pas en train de faire des remontrances, là. Ça n'a rien à voir. Je vous donne mon son de cloche par rapport à ça, si on veut. Donc, il n'y a pas de quoi le dramatiser non plus, là.